Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans cette édition de cette soirée du 29 août 2016. Et en voici les grandes articulations. Le secrétaire général du CNDD-FDD accuse Agathon Rwasa d'entretenir un groupe qui opère clandestinement. Ce dernier s'était plaint pourtant contre les arrestations intempestives perpétrées par les Imbonerakure du CNDD-FDD contre ses militants. Et le LUCOM demande au gouvernement de s'impliquer davantage dans l'encadrement des commerçants ambulants. L'appel intervient après la mort par suicide d'un jeune garçon au centre-ville de Bujumbura, alors que l'Assemblée nationale a approuvé ce lundi un don de 55 millions de dollars américains de la part de la Banque mondiale. Cet argent servira à appuyer le secteur du café pour une période de 6 mois dans 6 provinces du Burundi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Les 3 militants du parti FNL Fidela Agathon Rwasa sont libres. Ils ont été relâchés ce dimanche soir après leur incarcération samedi pour tenue illégale de réunion en commune gachikanois. Les représentants de ce parti au niveau provincial en Ngozi avaient dénoncé des arrestations et emprisonnements abusifs de leurs camarades. Ce lundi, ils s'étaient présentés au commissariat de police, comme cela leur avait été exigé, mais ils n'ont trouvé personne pour les recevoir. Et le leader de ceux qui se sont présentés aux élections de 2015 sous la coalition d'indépendants, Amizero Barundi, s'insurge contre ces arrestations intempestives perpétrées contre ses fidèles. Agathon Rwasa pointe du doigt la jeunesse Imbonerakure du parti CNDD-FDD d'être derrière ces arrestations. Ce politicien s'inquiète du fait que ce phénomène devient de plus en plus monnaie courante à travers tout le pays. Suivez-le. Ce phénomène existe bel et bien et nous en sommes conscients. Nous essayons de suivre et d'intervenir autant que faire se peut. C'est regrettable qu'il y a un abus. Je ne sais quoi. Je dirais à but de pouvoir, mais malheureusement, ceux qui procèdent à ces arrestations, ils ne sont ni de l'administration, ni de quelque institution que ce soit, puisque une jeunesse d'un parti politique ne peut pas supplanter la police, ne peut pas se mettre au-dessus de la loi. Ce sont des citoyens comme tout le monde. Mais malheureusement, on voit qu'ils procèdent à des arrestations et parfois même, ils battent des gens. Ils vont même jusqu'à détruire les biens des autres citoyens et cela de façon tout à fait impuni. C'est le cas notamment ici à côté à Mutimbuzi. On entend des arrestations dans Mouvimbi, on entend des arrestations dans Marangara, Nyamurenza, Gachikano en province de Ngozi, Osone en province de Kirundo, Tsininya et Kisuru en province de Ruyigi, en province de Karozi, un peu partout. Donc, tout ce que l'on peut demander, c'est que quand même les autorités comprennent qu'ils ont un rôle à jouer et qui doivent assumer ce rôle. La police, la justice, elles ont la prérogative de procéder à l'arrestation de quelqu'un si le cas s'avère nécessaire. Mais entendre que les gens sont arrêtés par des Imbonerakure, on s'imagine si les Imbonerakure sont devenus maintenant au-dessus de la loi, alors qu'on sait qu'il y a quand même des institutions, des organes de l'État qui sont chargés de jouer ce rôle. Alors qu'ils se ressaisissent et jouent pleinement leur rôle, on n'a pas à entendre encore une fois que les Imbonerakure font la loi, font la pluie et le beau temps dans les villages, dans les centres, ici et là. Ça, c'est quand même déplorable. Agathon Rwasa. Et dans l'entretemps, je vous l'avais dit dans les titres, le parti CNDD-FDD rejette en bloc ses accusations portées contre la jeunesse de ce parti. Le secrétaire général du CNDD-FDD fait savoir qu'ils ne peuvent pas couvrir qui que ce soit de ce parti s'il est fautif. Evariste Ndayishimiye dit plutôt que le député Agathon Rwasa devrait accepter qu'il a un groupe de gens qui opèrent clandestinement parce que la coalition Amizero ya Barundi n'existe plus après les élections. Suivez-le. D'abord qu'il sache son statut juridique. C'est un législateur. Il est burundais d'abord, qui siège à l'Assemblée nationale pour voter les lois qui vont gérer le destin de son pays, qui commence lui-même à violer ces lois, à empiéter les règles qui régissent le pays. Je peux dire que cela n'est pas la responsabilité d'un honorable, digne. Pourquoi je dis cela ? Rwasa sait très bien que après les élections, les coalitions sont finies. Il le sait. Mais aujourd'hui, il continue à dire que la coalition Amizero ya Barundi existe encore, alors que c'est lui-même qui devrait protéger la loi. Deuxièmement, je voudrais leur rappeler ce qu'on appelle la solidarité nationale. S'il y a des criminels, tout le peuple est appelé à contribuer pour traquer les criminels dans le pays. Mais apparemment, lui, il n'est pas concerné. Je peux citer le cas de la commune Mutimbuzi où il y a eu une personne, un criminel qui a lancé une grenade dans la population. Des enquêtes ont commencé. Ils ont arrêté des gens qui étaient soupçonnés d'avoir lancé cette grenade. Maintenant, il est en train de défendre ces gens-là. C'est-à-dire, si c'était lui, il ne pouvait pas dénoncer ce qui lance les grenades dans la population. L'autre chose, c'est que, il me semble qu'il doit avoir un groupe clandestin qui tue, qui vole, qui assassine les gens. Parce que chaque fois qu'il y a criminalité, j'ai senti que toujours, s'il y a quelqu'un qui est arrêté pour enquête, immédiatement Gwasa déclare que c'est son membre. Donc, il a un groupe criminel qui est clandestin. Si ce n'est pas cela, qu'il montre très bien ce qu'ils font la criminalité. Parce que si on arrête quelqu'un qui est soupçonné, il devient automatiquement membre de Gwasa. Et on ne sait pas membre de quoi. Est-ce que Gwasa, c'est un groupe? Disons, c'est fidèles qui l'ont voté, par exemple, durant les élections précédentes. Mais ces fidèles, après les élections, sont des citoyens. Même les membres de CNDD-FDD sont des citoyens. S'il y a un criminel parmi les citoyens, le criminel doit être jugé par la justice. Voilà, c'était le secrétaire général du CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye. Leurs propos ont été recueillis par Aubin Niyonguru. Et puisque nous parlons politique, sachez que le président du parti Sawanya Frodibou dans la province de Karouzi a été libéré après plus de 2 semaines d'incarcération au cachot de la police locale. Le procureur de la République avait reconnu ce matin n'avoir pas pu établir la culpabilité de son militant du Frodibou après ses enquêtes. Séverin Niru Gaïmvo, c'est de lui qu'il s'agit, avait été accusé d'avoir proféré des propos diffamatoires à l'endroit de l'autorité communale. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. L'Assemblée nationale a approuvé ce lundi un don de 55 millions de dollars américains de la part de la Banque mondiale. C'est un don qui va appuyer dans le secteur café pendant 6 mois en 6 provinces. À partir d'octobre prochain, les députés de la Chambre basse du Parlement l'ont voté à 100%, mais ont demandé notamment que le projet soit étendu dans d'autres provinces. Léonce Vitalio. Les provinces concernées par ce projet sont celles de Gitega, Karusi, Muyinga, Kirundo, Ngozi et Kayanza. Les députés de l'Assemblée nationale ont demandé qu'il soit étendu dans d'autres coins du pays. Le ministre Deogide Rurema, en charge de l'agriculture et de l'élevage, dit qu'il faut un début. L'on a privilégié les provinces où on cultive le plus le café. On cible les zones d'intervention et c'est là où il y a beaucoup de café et de caféiculteurs. Des députés ont exprimé l'inquiétude qu'il y aurait un piège, le fait que la Banque mondiale ait accordé un tel don, 55 millions de dollars, sans aucune condition. Ils nous avaient rejetés et voilà que l'on nous fait un tel don, sans aucune condition. N'y aurait-il pas un piège? Le ministre Rurema ne fait que tranquilliser, il n'y a aucun piège. Je pense que le seul piège qu'il y avait été de nous tenter avec l'OPE d'autant qu'il avait pour mettre en exécution le projet. Le temps de signer le don, l'analyser au gouvernement, l'amener à l'Assemblée puis au Sénat. Il a été signifié que si le projet était bien exécuté, la production du café dans ces provinces pourrait être multipliée par 5. Ledit projet sera exécuté pendant 6 ans à partir du mois d'octobre prochain. Merci Léonce Vitalio. C'est donc 6 ans et non 6 mois comme je le disais avant. Les commerçants ambulants devraient être encadrés dans l'exercice de leurs activités. Cet appel est du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Gabriel Ruffieri l'a dit après qu'un commerçant ambulant se soit suicidé à l'endroit communément appelé Bata au centre-ville de Bujumbura. Il interpelle plutôt les autorités à réglementer ce commerce suivant le code du commerce de 2010. Suivez-le. Le code de commerce numéro 1/07/26 avril 2010 au niveau de la section 2 aux articles 45, 46, 47 et 48 est créera. Au regard de ces articles que je viens de citer, il suffit que ces commerçants se présentent à les communes respectives où ils résident. Ils amènent seulement une lettre, même manuscrite. Ils déposent cette lettre au secrétariat de la commune. On leur donne seulement ce qu'on appelle un certificat de matrimoine. Et c'est fini. Nous pensons qu'il est urgent que cette injustice soit bannie parce que le commerce ambulant, ça existe dans le monde entier. Le commerce ambulant, même dans les pays les plus industrialisés, les plus riches, ça existe. J'interpelle la conscience des administratifs et des dirigeants burundais. Pensez qu'ils peuvent éradiquer ce commerce. Je pense que ce sont des illusions. C'est très difficile, c'est même un rêve de dire qu'on peut éradiquer le commerce ambulant. Seulement, il faut l'organiser parce que toute anarchie est à combattre. C'est pour cette raison qu'il y a cette loi-là. C'était Gabriel Rouftiri, président de l'OLUCOM. Plus de 6 hectares d'eucalyptus plantés sur la colline Gakungwe, en commune Kabezi de la province de Bujumbura, sont partis en fumée. C'était dans l'après-midi de ce samedi. L'administration de la colline Gakungwe, qui donne l'information, dit que l'origine de l'incendie reste toujours inconnue. La même administration félicite la population qui a pu éteindre ce feu. Et les plantations de canne à sucre de la société Tanganyika Business Company, qui se trouve dans la réserve naturelle de la Rukoko, ont pris feu depuis ce dimanche. La superficie n'est pas encore connue parce que le feu n'était pas encore complètement maîtrisé ce lundi matin, selon des sources de la société Tanganyika Business Company. Et on n'en sait pas plus pour l'instant. Les enseignants qui ont été redéployés en province Mngaro se plaignent que le travail effectué par la commission qui était chargée de cette activité n'a pas suivi les critères fixés par le ministère de l'Éducation nationale. Dans une lettre adressée au lundi au président de la commission chargée du redéploiement des enseignants au niveau national, il demande que ce travail soit révisé. Domaro, nous appelons Laurent Dikouri. Dans une lettre que les enseignants redéployés en province Mouaro ont adressée ce lundi au président de la commission chargée du redéploiement des enseignants au niveau national, ils indiquent que la commission qui était chargée de redéployer les enseignants dans cette province scolaire a été caractérisée par le favoritisme et autres critères subjectifs. Ils soulignent que pour certains, la commission n'a pas tenu compte de l'ancienneté à la fonction publique et dans l'ancienneté et l'ancienneté dans la province scolaire. Pour ces enseignants, s'il s'avère nécessaire de redéployer des enseignants dans d'autres provinces, la logique serait de commencer par les enseignants dernièrement recrutés car ils constituent des éléments de trop par rapport à l'effectif exigé dans certaines écoles. Ces enseignants soulignent qu'ils ont été redéployés et remplacés immédiatement par d'autres, ce qui était contraire aux critères fixés par le ministère de l'Éducation nationale. En plus, les enseignants redéployés en province Mouaro disent que le critère de garder ceux qui ont des maladies chroniques a été utilisé de manière abusive et fantaisiste. Au lieu de garder les anciens portants auxquels il fallait ajouter les malades, la commission a gardé les malades uniquement au détriment des anciens bien portants d'après ces enseignants. Aussi, certains enseignants redéployés cette année l'avaient été en 2010 et sont toujours de nouveaux venus. Ainsi, ils souhaitent la révision du travail fait par la commission en province Mouaro pour plus de transparence. Le directeur provincial de l'enseignement en province Mouaro, Salatien Nakamurenga, dit que ses enseignants ont droit de réclamer, mais précise que le redéploiement a été fait selon les critères fixés par le ministère de l'Éducation nationale. Il souligne que les lettres de recours sont toujours accueillies dans cette direction provinciale de l'enseignement jusqu'au 2 septembre et qu'une commission en provenance de Bujumbura va les analyser par après. Signalons que 405 enseignants ont été redéployés dans cette province de Mouaro, dont 235 ne sont pas toujours réaffectés. De Mouaro, Laurent Curio, Radio Isanganiro. Toutes les maisons de cinéma des 6 communes de la province de Cibitoke ont été fermées depuis 5 jours. Les gestionnaires de ces maisons signalent qu'ils n'ont pas été informés de la mesure. Et certains de ces gestionnaires ont vu leur matériel saisi par la police au moment où ils voulaient regarder le championnat d'Europe. Ils demandent aux administratifs de revoir cette mesure parce que ce travail contribuait à nourrir leur famille. La police et l'administration indiquent que cette mesure a été prise dans le but de diminuer la délinquance juvénile et les cas de vol, arguant que les voleurs se cachent derrière ces cinémas pour voler. Et une courte pause, et c'est pour annoncer la chronique sportive. Nous parlons du cyclisme au monde. Radio Isanganiro, chronique. Le gouvernement burundais doit disponibiliser des moyens financiers suffisants pour développer les sports au Burundi. C'est du moins l'appel du président de la Fédération du cyclisme du Burundi. Dans cette chronique sportive, le président de la dite fédération, Tarsis Kairimanzira, nous parle des défis qui hantent le cyclisme au Burundi. Il l'a dit à notre chroniqueur Évariste Nzikobanyanga. Le cyclisme au Burundi est pratiqué à l'échelle nationale comme d'autres jeux sportifs, indique le président de la Fédération de cyclisme du Burundi au niveau national. Tarsis Kalimandzira expliquait cela et confirmé par un effectif de plus de 10 clubs de cyclisme opérationnels sur terrain. Les cyclistes que nous avons au Burundi au niveau de la Fédération font des activités cyclistes à l'aise et au grand jour à travers tout le pays sans problème, car nous travaillons conjointement avec le ministère et au niveau de la Fédération. On s'organise en conséquence. Et la preuve à ne que maintenant, après une sortie que nous avons réalisée au Maroc sous le haut patronage du ministère, la Fédération internationale a pu nous envoyer 8 vélos, 6 vélos de course et 2 vélos de course contre la montre une fois au Burundi. On n'avait jamais eu ces vélos. Le cyclisme au Burundi est parmi les sports très avancés au niveau Afrique. Le président de la Fédération du cyclisme donne l'exemple d'un cycliste burundais qui a été quatrième au niveau Afrique dans le championnat organisé en 2015 en Afrique du Sud. Et après la formation en Afrique du Sud, il y a eu des cyclistes qui ont été choisis au Burundi. Parmi les deux, il y a un certain Aishaki et Leonidas. Lors des championnats continentaux de 2015 en Afrique du Sud, ce cycliste a réalisé un chrono extraordinaire qui l'a classé quatrième au niveau africain parmi les juniors. Vous comprenez quand même que c'est un talent du Burundi qui émergeait et aujourd'hui, si ce cycliste est vraiment encadré, il pourrait arriver à des résultats considérables au niveau national, international et même régional, bien sûr. Et ça serait la grande visibilité pour notre pays. Cela étant, beaucoup de défis hantent le cyclisme au Burundi. Le président de la Fédération du cyclisme évoque le manque de moyens, d'où il demande au gouvernement burundais de doter des moyens financiers suffisants aux fédérations des sports pour que le sport soit développé. Un vélo de course coûte actuellement plus de 6 800 $, c'est-à-dire autour de 14 millions de francs. Vous comprenez très bien que même au niveau d'un club situé quelque part, ils ne peuvent pas acheter même un seul vélo. Et c'est pour cela que nous disons qu'il faut que le gouvernement, s'implique au niveau du sport pour que quand même il y ait au minimum des équipements pour l'équipe nationale qui représente le pays au niveau international. Au moment où, au Burundi, le ministère de la Jeunesse et des Sports est doté de 800 millions de francs burundais par an, au Rwanda, la seule fédération de cyclisme est dotée $1 million. Merci Évariste Nzikobanyanga, c'est sur cette chronique sportive que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde au micro. Jean-Bosco Nduimana, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée. Ne tournez pas le bouton, nos programmes continuent. Yeah.